La Genèse, chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Hénoc, Palu, Hetsron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Oad, Jaquin et Tsochar, et Saul, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Gehat et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Peretz et Zarach. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Hetsron et Amul. Fils d'Issacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Elon et Jaléel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padamaram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tsivjon, Agi, Sunni, Hetzbon, Eri, Arodi et Aréeli. Fils d'Azer, Jimna, Jiva, Jivvi et Beria, et Sérach, leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte Manassé et Éphraïm, qui lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Guéra, Nahamam, Ei, Roche, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Fils de Dan, Ushim. Fils de Nephtali, Jatseel, Guni, Jetzer et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gosen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gosen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élevèrent des troupeaux, ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens.